qu'on m'explique à quoi rime leur concept. Cette surenchère de grotesque, je m'en peux à faire machine arrière plutôt qu'aller dans le sens du game. Même si de la Villardière et Kalash factice, des clips avec champagne, weed et bitches, jacuzzi, limousine. J'accuse l'industrie, son influence sur les petits qui ne parlent que de trafic. Plébiscité par les frustrés à mal d'inspire, inspire à fond. J'aurai oxygène et hip-hop. Même si de la vieille école nostalgique de l'époque time bomb, la réalité te frappe comme la droite de Tyson. Rares sont les gunshots, les jeunes smoke, perdent leur temps et leur pognon dans l'alcool. J'ai vécu quelques histoires, l'essence même de rap de bonhomme, de Paname à New York, de Montpellier à Canton, entre hardcore et G-Funk, Ice Cube et méthode, je ramène du vrai pour mes puristes. Fuck les autres, le truc est parti en couille, je ramène en Volkswagen, roule pas avec les pires rap, cause un Astra, car Jack et Go Fast, les vrais ne font n'en parlent pas, les gangsters tirent de vraies balles, ne font pas de punchline, le truc est parti en couille, je ramène en Volkswagen, roule pas avec les pillages rap, cause un Astra, garde Jack et go fast. Les vrais ne font n'en parle pas. Les gangsters tirent de vraies balles, ne font pas de punchline. Go fast, braco, plus de luxe, mafia, grosse peine, calibre, V6, gros bras. Les gars, pour la plupart, rap de choses qu'ils ne connaissent pas. Des légendes et des ondits à force, ça ne vient pas des tiges. Entre histoire et vérifiable, qu'ils ne sont en fait que des parodies. Leur ego trip trop bâtard au punchline pourri. Donner le change sur 16 n'a rien d'un prodige. Rare quand j'improvise, ne mens pas sur le produit. Le chargeur du Kalash est plein de billes en plastique. Normal, airsoft gun, fallait que je vous explique. Air Max, pif de seum comme une maladie. De plus en plus j'entends dire, fuck le rap de puriste. Même si parfois impulsif, mon vécu n'est pas utopique, aucune tromperie. Ce serait un trop grand manque de respect pour les frangins qui ont trop pris de son prix. Lève ton majeur en l'air, cousin, si tu me suis. Le truc est parti en couille, je ramène en Volkswagen. Roule pas avec les billets, rap, cause un Astra. Car Jack et Go Fast, les vrais ne font n'en parle pas. Les gangsters tirent de vraies balles, ne font pas de punchline. Le truc est parti en couille, je ramène en Volkswagen. Roule pas avec les billets, rap, cause un Astra. Car Jack et Go Fast, les vrais ne font n'en parle pas. Les gangsters tirent de vraies balles, ne font pas de punchline. Le truc est parti en couille, je ramène en Volkswagen. Roule pas avec les pillages rap, cause un Astra. Quand le centre-ville prend des faux airs de Cali, le ventre vide, je viens bouffer du MC. Le truc est parti en couille, je ramène en Volkswagen. Roule pas avec les pillages rap, cause un Astra. Car Jack et Go Fast, les vrais ne font n'en parle pas. Les gangsters tirent de vraies balles, ne font pas de punchline. Le truc est parti en couille, je ramène en Volkswagen. Roule pas avec les pillages rap, cause un Astra. Car Jack et Go Fast, les vrais ne font n'en parle pas. Les gangsters tirent de vraies balles, ne font pas de punchline.